pourquoi manquais-je à mon devoir ? Mademoiselle, je proteste, nous devons partir dès ce soir. Vous le savez, moi je l'ignore, qu'on nous attend à la maison. Voyons, messieurs, je vous implore. Florilord, vous avez raison. Voyons, messieurs, je vous implore. Florilord, vous avez raison. Faut-il à leur galanterie nous poser qu'un refus bien froid ? Un quartier de cavalerie, si proprement tenu qu'il soit, je parle ici en métaphore, est un séjour hors de saison pour une femme adulte encore. Florida, vous avez raison. Voyons, messieurs, je vous implore. Florida, vous avez raison. Ah non, non, non, venez. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas, je vous dis. Partez alors, si quoi. Vous voulez, moi j'accepte.